Bonsoir chers auditeurs, il est 13h30. Bienvenue sur le plateau de notre émission La Musique en Délire. Nous accueillons aujourd'hui un invité de renom, Monsieur Serge Merdu, du groupe Fun Funk Family, découvert en 1994 par le label Schnioff. Bonsoir Serge. Et salut. Enchanté. Vous êtes donc le fondateur du groupe Fun Funk Family et votre spécialité est donc le pérythmique, si j'ai bien compris. Oui, c'est bien ça mon petit gars. Oui, je vois. Racontez-nous votre parcours. Disons que j'ai commencé comme tous les grands artistes. Hein. J'étais tranquillement en train de siroter de l'agneau avec une bande de potes au comptoir d'un bar. Oui. Et un producteur est venu me voir en me disant que j'avais un timbre de paix exceptionnel, oui, et que je rotais comme un porc, ah bon, et que ça pouvait me faire gagner de l'argent. Oui, c'est amusant. En tout cas, on peut dire que tout ce temps-là, vous avez gagné de l'argent en faisant vraiment de la merde. C'est le cas de le dire. Quoi ? C'est une métaphore. Une métaphore ? Oui, une métaphore. Non, ah oui, c'est ce que me dit ma favorite le soir. Métaphore. Non, ça n'a aucun rapport. Bon, ah bon, je croyais. Enfin bon, bref, poursuivons notre émission. D'accord. Votre dernier album est donc un mélange de subtilité, de sonorité naturelle et d'enthousiasme. Ouais, monsieur. Ah, excusez-moi, ça m'arrive parfois, vous savez, la cocaïne. Non, c'est rien, nous sommes habitués avec les gens du show business. Par contre, c'est bizarre, mais je sens qu'on ne va pas s'entendre. Ah, ça c'était une métaphore. Écoutez, on dit méta, merde. Je suis désolé, mais c'est pas ce que vous avez dit tout à l'heure. Non, mais attendez, vous êtes complètement con, vous faites exprès de me faire chier. Je vous interdis de prononcer le mot chier en ma présence, ça c'est mon boulot, mon petit gars. Non, mais comment ça m'énerve, je suis la merde. Bon, bref. Je vais maintenant vous poser une question que tous nos chers auditeurs se posent. Faut-il subir un entraînement intensif pour produire des sons aussi particuliers? Bah oui, forcément, mon petit gars, faut un sacré talent pour péter correctement. Tiens, le sifflement rectal, par exemple. Si tu contractes mal ton anus, tu risques de produire un la au lieu de produire un ré. Oui, c'est fascinant. Je vous propose, chers téléspectateurs, d'écouter un extrait du dernier album de la Fun Funk Family, intitulé Lâché dans le vent. Le titre s'appelle Grosse caisse. C'est bon de péter, c'est bon de péter, c'est bon de péter. Lâcher une grosse caisse, c'est bon de péter, c'est bon. Voilà, c'était donc le titre Grosse caisse de la Fun Funk Family. Écoutez, monsieur Merdu, je ne voudrais pas être désagréable, mais ça chlingue. Pardonnez-moi, c'est l'aspiration. Oui, j'entends bien, mais ceci dit, je ne peux pas travailler dans ces conditions. Mais t'as rien compris, mon petit gars, c'est ça le plaisir du métier quand on se vide et que. Non, je ne veux pas savoir. Mais c'est de l'art. Non, comment ça? Non, je suis désolé, ce n'est pas de l'art. Bah si. Non, ce que vous faites, c'est de la merde, c'est nul à chier. Bah justement. Ça suffit. Heureusement, cette émission touche à sa fin. Je vais donc vous souhaiter une bonne soirée à vos chers auditeurs et à vous, monsieur Merdu, et j'espère ne jamais vous revoir ici. Oui, mais les prouesses intestinales. Oh, ta gueule, bordel de merde. D'accord. Et puis faites venir une équipe de nettoyage sur le plateau parce que là, franchement, c'est un fumier ici. Publicité. Vous êtes sur StupFM, la radio en toute illégalité. Si tu es anorexique, que ta coupe de cheveux ne ressemble à rien et que tu t'habilles en fluo, alors tu peux faire de la crête tonique. Rendez-vous dans l'un des 15 clubs de crête tonique de ta région. Grâce à la crête tonique, tu pourras apprendre à te recoiffer tout en gesticulant comme une pédale. StupFM, la radio en toute illégalité. Tous les soirs à 20h30, retrouvez votre émission préférée, Confessions Intimes, présentée par Sarah Colamore. Des histoires émouvantes. Oui, c'est vrai, depuis que je ne me masturbe plus, je ressens beaucoup de mélancolie. Des conflits conjugaux. Quoi, je regarde le match. Chérie. Quoi encore? Avec toi, je vois la vie en rose. Ouais, bah faut te faire soigner. Et diverses nouvelles. J'ai bouffé des pâtes ce midi. Bref, un cocktail d'émotions proposé par StupFM. Si t'as moins de 25 ans et que t'as le courage de te taper des mamies toutes ridées, rejoins-nous au www.vieuxcul.fr. 26,87€ la minute, hors coût opérateur, bien entendu. Publicité. Nous vous prions de nous excuser pour la qualité des jingles, car faute de budget, nous avons dû engager des chanteurs amateurs. Merci pour votre compréhension. La radio en toute illégalité. Ah non, vous vous êtes encore gourés les mecs, là ça va plus. La radio en toute illégalité. Non mais c'est qui à la régie là, merde? C'est moi. Mais qui ça, moi? Evangeli. Ah d'accord, ça explique tout. Comme je vous l'ai déjà dit, nous avons engagé des chanteurs amateurs. Cessez de jouer avec la bande sonore, Eve. Elle est marrante cette PlayStation, y a plein de petits boutons partout. La radio en toute illégalité. La radio en toute illégalité. Ah c'est rigolo. Ah c'est pas vrai. Ah, non, Eve, non, ne faites pas ça. Ah, c'est dégueulasse. C'est un micro. Ah bon, ça ressemblait pourtant à une sucette. Ah bah, une chance pour nous que vous ne l'ayez pas confondu avec autre chose. Ah oui, avec une torche électrique. Oui, par exemple. C'est l'heure de Speed Quiz. Une émission présentée par Fred. Salut, moi c'est Fred, et vous quel est votre nom? Bah, enchanté. Bien, je vous rappelle rapidement le principe de l'émission et les règles du jeu. Vous jouez pour remporter une somme de 9 000 € ou prendre 9 000 claques, vous avez une seconde pour répondre à une question de culture générale, êtes-vous prêt? Quoi? Top, quel est le contraire de la droite? Oui, mais désolé, vous n'avez pas été assez rapide, vous allez donc prendre 9 000 claques. Non, mais vous êtes cinglé! Attention au signal sonore!